Il y en a qui vivent avec des guenilles. Des vrais torchons. Ah ouais, Jean-Paul, ramasse dans la marde dans le jardin, Jean-Paul y va. Ah, Jean-Paul, lave dans la vaisselle l'après-midi, je suis fatigué, là. J'ai mes règles. Il va, là. Des vrais guenilles. Je dis pas que c'est pas bon que Jean-Paul lave pas la vaisselle, c'est pas ça que je veux dire. On peut pas faire de compromis dans la vie. C'est ça que je veux dire quand je dis que dans la vie, tu peux pas faire de compromis. L'énergie, il faut qu'elle passe. Mais si elle bloque l'énergie parce que vous avez trop de bon sens, c'est évident que vous vivrez jamais d'énergie. Vous vivrez jamais de votre énergie. Vous serez jamais, vous aurez jamais votre propre personne. Vous aurez toujours une personnalité qui est affiliée directement ou indirectement à la pensée sociale. Fait que, quand tu projettes ça sur une échelle mondiale, sur une échelle nationale, mais t'as une grosse pyramide, pis c'est les riches en haut qui jouent au pool, pis nous autres, mais on ramasse les balles. Il y en a des jokers. On est tous décadés dans la vie. Même des gros bonnets, eux autres. Ils jouent avec le bâton, pis nous autres, on ramasse les balles. Mais on est content de ramasser la balle pour le gros bonnet. Ça nous fait un petit vlog. Puis on s'en va chez nous, on dit, hey, j'ai ramassé la balle du président de CIA l'après-midi. Ah, on est content, on pense qu'on a de la valeur, là, parce qu'on a ramassé la balle du président de CIA au lieu de faire manger. Il y a un homme qui m'a dit une journée, il dit à moi, il dit, sais-tu qui c'est que je suis? J'ai dit, mange donc de la marde. Je suis parti. C'est ça que je pensais de ce qu'il était. Puis aujourd'hui, on est des chums. Il dit, maudit que t'étais bête. Mais j'ai dit, il fallait que ben je sois de même. Si j'avais pas été bête, on serait pas ensemble. Aujourd'hui, on a du fun. C'est tout le temps de même dans la vie. C'est subtil ce que je veux dire. C'est pas ce que je dis que je veux dire. C'est la nuance, la vibration de l'esprit. Quand tu vibres dans ton esprit, puis qu'il y a un gars qui t'arrive avec une affaire de même, puis ça vibre dans ton esprit, puis que l'esprit, lui, il peut sortir à travers de tes mots, puis je te jure que le gars sauve. Bien, on a tellement de psychologisme que ça passe pas. Puis c'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est pas normal d'avoir des problèmes? Puis tout le monde pense que c'est normal. Tu dis à quelqu'un, t'as pas de problème, il pense que... Non. Il pense que tu joues une free game. C'est pas normal d'avoir des problèmes. C'est du conditionnement psychologique d'avoir des problèmes. Puis ce qui nous garde, ce qui maintient ces problèmes-là, c'est qu'on a peur des tuer. On a peur des tuer. C'est subtil parce que comme on a peur des tuer, ça veut dire qu'on n'a pas la force des tuer. Puis on n'a pas la force des tuer parce qu'il y a trop d'émotivité en nous autres pour les tuer. Il y a trop de pensées subjectives en nous autres. Puis quand tu recules, puis tu recules, puis tu recules, puis tu recules, tu t'aperçois que on est quasiment obligé de les vivre, ces problèmes-là. Si on est chanceux, puis que le problème est assez gros, là, c'est assez gros le problème, là. Puis un jour, mais là, tu vois plus clair. Là, à ce moment-là, si on est chanceux, là, on le fait sauter. Malgré nous autres, quasiment. Des fois, avec le petit coup de pouce de quelqu'un. Ils disent que c'est inouï l'énergie qu'on perd dans notre vie. C'est inouï l'énergie qu'on perd dans notre vie. Parce qu'on n'est pas capable de nous fixer un but. L'homme, il faut qu'il se fixe un but dans la vie. Chaque individu devrait avoir un but dans la vie. Un, la paix. La paix. Tu n'as pas besoin d'autre but que ça, parce que la paix, ça te donne tout le reste. La paix, ça va t'amener de la job. La paix, ça va t'amener ici. La paix. Mais si tu n'es pas capable de te fixer un but dans la vie qui est la paix, tu seras vraiment capable d'éliminer tes problèmes. Parce que c'est quand tu t'es fixé le but de la paix, que tu peux détruire tous tes problèmes. C'est ce point-là que je veux développer. Les gens ne sont pas suffisamment conscients de la paix, parce qu'ils n'ont pas assez souffert encore. Quand quand t'as bien souffert, là, que t'étais amené contre le mur, là, c'est un que la paix que tu veux, un que la paix, à n'importe quel prix. N'importe quel prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, qu'il soit gros ou qu'il soit petit, et surtout s'il est gros, faut qu'il saute. C'est le besoin de cette paix pour le développement normal de ton psychisme, pour l'expression normale de ton psychisme, de ton esprit, pour que tu puisses vivre une vie normale dans le sens de ton esprit, de ton intelligence réelle. Ça se discute pas, la paix. Puis si un jour vous en arrivez à souffrir tellement de problèmes, là, parce que vous avez des problèmes qui vous enlèvent votre paix, un jour, quand vous serez arrivé à ce point-là, votre paix, la recherche, le besoin de votre paix, deviendra la force dont que vous utiliserez pour tuer vos problèmes. Parce que quand tu es rendu au stage de la recherche de la paix dans ta vie, à ce moment-là, tu n'as plus de choix que de tuer les problèmes qui viennent vers toi. Tant que tu n'es pas arrivé au stage d'avoir besoin de cette paix-là, tu as encore du temps et des problèmes, tu peux en prendre encore. Mais la recherche de la paix, puis plus tu vas avoir besoin de paix, parce que plus tu vas être sensible, parce que plus tu ne pourras plus souffrir d'interférences dans ta vie, plus tu auras la force pour détruire et tuer les problèmes dans l'œuf. Mais il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est la paix. Puis la paix, c'est toujours proportionnel à votre souffrance. La paix que l'homme recherchera, elle sera toujours proportionnelle à sa souffrance. Fait qu'un jour, quand tu as assez souffert parce que tu as eu trop de problèmes, laisse-moi dire que la paix, c'est la seule issue. Ah, puis cette issue-là n'est pas là, puis elle n'est pas là. Elle est là. Elle est dans le plafond. Puis tu ne l'as jamais vue, cette issue-là. Tu ne l'as jamais réalisée, tu ne l'as jamais compris. Elle ne vient pas de là, puis elle ne vient pas de là. C'est une force qui vient d'ici, qui passe à travers ton plafond. Mais à ce moment-là, tu as les reins assez forts pour l'absorber, cette force-là. Puis après ça, tes fenêtres de ce bord-là et de ce bord-là, ils s'ouvrent complètement. C'est des lois fixes. C'est des lois de la vie. C'est fixe. C'est immutable. T'avais peur qu'elle te laisse, ta petite blonde, là. T'as-tu laissé ta petite blonde? Elle t'a pas laissé. Mais t'avais peur, hein? C'est une sorte de problème. Une inquiétude. On ne peut pas vivre comme ça. Il y a une chose qu'on n'a pas compris dans la vie, c'est le sens de la possession. Qu'est-ce que ça veut dire posséder? Posséder, ça ne veut pas dire ce qu'on pense. Posséder, c'est pas psychologique quand c'est réel. Posséder, c'est pouvoir maintenir en fonction de soi-même, en parfaite harmonie, ce que l'on a. Ça va loin, la possession. Si c'est une maison que tu veux à paix, tu veux pas être dérangé, puis il y a quelqu'un qui vient troubler ton espace, là. Tu vas vibrer. Si tu ne veux pas aujourd'hui, tu peut-être t'es bien fin, puis tu vas dire bonjour, mais ça va bien, monsieur, maman. Un jour, c'est pas ça que tu seras pas de même un jour. Un jour, tu ne voudras même pas qu'il y ait personne qui vienne sur ton terrain. À ce moment-là, tu vas savoir et tu vas comprendre qu'est-ce que c'est posséder. Dans le sens de l'esprit, pas dans le sens psychologique de l'égocentrisme. Dans le sens vibratoire. Que chez vous, c'est chez vous. Que ta paix dans sa manifestation matérielle qui est ton privé. Faut pas que ce soit troublé, cette affaire-là. La paix, c'est pas dans l'esprit. Ça commence dans l'esprit, mais ça se manifeste dans la matière. On pense que la paix, c'est dans l'esprit. Ça commence dans l'esprit, puis ça se manifeste dans la matière. Quand tu es chez vous, puis tu t'achètes une maison puis un terrain pour avoir la paix, tu veux pas qu'il y ait d'interférences extérieures. Parce que tu possèdes cet environnement-là. Tu as mis ton énergie dedans. tu l'as structuré, cet environnement-là, pour convenir à ta paix intérieure. C'est bien subtil, la paix. Mais moi, je sais que la paix, c'est le point culminant de la recherche humaine sur le plan matériel. Ça, c'est inévitable. Un jour ou l'autre, ceux qui se conscientiseront le plus possible, un jour ou l'autre, réaliseront que la paix, c'est le point culminant, c'est le point final de l'expérience humaine sur la Terre. Après ça, c'est l'éther. Parce qu'il y a un phénomène particulier lié à la paix réelle. C'est que quand tu as beaucoup de paix dans ta vie, là, quand tu as beaucoup de paix, parce que c'est vibratoire la paix, tu parles de gros de même de paix, puis gros de même de paix, puis gros de même de paix. Moi, j'ai pas encore la paix totale dans ma vie. J'en ai pas mal, mais pas finalisé encore ma paix. Quand ma paix va être finalisée, moi, je vais être plein. Fait que c'est vibratoire la paix. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de j'en être plein? C'est que tu n'as pas assez de paix. Quand tu as ben de la paix, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'attache entre toi et la matière. Il n'y en a plus. Ça veut dire que t'as fini ici, là, va-t'en ici. C'est ça, la paix. C'est pas psychologique, la paix. Vous autres, vous pensez que c'est psychologique, la paix. C'est vibratoire, la paix. Puis quand vous aurez de la paix, là, de la paix absolue dans votre vie, il n'y aurait plus suffisamment de force entre votre corps physique et votre corps éthérique. Votre corps éthérique sera obligé de sortir parce que la paix, l'absence de paix, le manque de paix dans la vie de l'homme, c'est ça qui permet qu'il y ait un lien entre la matière et le corps éthérique. Alors, quand vous serez suffisamment dans votre paix, 100% dans votre paix, vous aurez accès à un autre monde parallèle. Vous serez déjà dans la sixième race. Fait qu'en attendant, vous ne pouvez pas avoir cette paix-là, mais vous pouvez commencer à y goûter. Fait qu'eux autres, ils vont vous mettre des embûches. Ils vous mettent des embûches pour que vous n'ayez pas trop de paix. Fait que c'est à vous autres d'aller la chercher. C'est pas eux autres qui vont vous donner la paix. Jamais de la vie. Ceux qui pensent que la paix, ça vient d'en haut, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. La paix, ça vient d'en bas. C'est construit en bas, la paix. C'est l'homme qui construit sa paix. Eux autres construisent les conditions pour que nous autres, on soit écœurés assez pour qu'on aille chercher notre paix. De même, ça marche. Le reste, c'est de l'espérance. Le ciel ne donne pas à l'homme la paix. Des histoires de religion. Même quand tu meurs, tu n'as pas la paix. C'est une sorte de paix. C'est l'état de rêve, la mort. Pas la paix, ça. La paix, c'est d'être capable de vivre sur n'importe quel plan universel, en paix. C'est ça, la paix. Fait que c'est évident qu'ils vont... Ils vont vous créer des problèmes. Votre vie est programmée. On a tous des plans de vie. Ils vont vous créer des problèmes. C'est à vous autres un jour. Ils nous expliquent comment ça marche, les problèmes. Ils nous expliquent comment ça marche, la paix. Ils sont tout après à nous expliquer comment ça fonctionne, la vie. Fait qu'un jour, on n'a pas de choix. On est obligé d'apprendre comment ça fonctionne. Puis quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, on commence à réaliser comment ça marche. Puis quand on réalise comment ça marche, mais là, on commence à faire descendre l'énergie selon la densité. La densité de notre problème. Si notre problème est trop dense, ben là, on saute un petit peu plus. S'il est moins dense, ben c'est moins long. Ils vous donnent toujours des problèmes selon votre capacité de les vivre, de les survivre, vos problèmes. Ça ne va pas vous mettre la batterie à terre. Fait que s'ils vous donnent des gros problèmes, puis un gros problème pour une personne, c'est un petit problème pour un autre, puis un petit problème pour un, c'est un gros pour un autre. Fait que c'est bien relatif, les problèmes. Mais c'est absolu en fonction de vous-même. Fait que la paix, c'est jamais eux autres qui vont vous la donner. Vous allez être obligé de la créer, votre paix. Mais vous allez la créer au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus dans votre intelligence, autrement dit, au fur et à mesure que vous êtes à être de plus en plus dans votre psychisme, au lieu d'être dans votre psychologie humaine, de bon sens. Fait que là, vous allez commencer à vivre. Là, lentement, tu vas vers l'éther. Lentement. La paix, c'est un état d'esprit, c'est pas une attitude psychologique. C'est pas parce que t'es un million que t'as la paix. Tu vas avoir les fesses à terre, puis avoir la paix. C'est un état d'esprit, la paix. C'est une relation vibratoire entre ta conscience éthérique et ton corps matériel, la paix. C'est ça, la paix. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est la paix, ils seraient surpris. Plus vous êtes dans votre paix, plus vous êtes dans les terres. Mais vous n'êtes pas suffisamment dans votre paix pour réellement voir dans les terres. Ça, c'est la différence. C'est pas astral, la paix. La paix astrale, ça, c'est une attitude psychologique. T'es content aujourd'hui parce qu'il fait soleil, t'as la grande gueule demain parce qu'il fait, il pleut. T'sais. Quand tu fais soleil, t'es content. La paix, c'est un état d'esprit, puis c'est une condition vibratoire dans l'homme, c'est une mesure de son énergie, la paix. Fait que plus tu es dans cette énergie-là, mais plus tu es créatif, fait qu'automatiquement, plus agrandit ta paix. Parce que plus tu es capable, à cause de cette énergie-là, de la purifier, de la perfectionner, puis la perfectionner, puis la perfectionner, puis la perfectionner. Fait que tu la perfectionnes. Un jour, elle est tellement perfectionnée de la paix que tu n'as plus rien à faire ici. Quand votre paix sera totalement perfectionnée, vous n'aurez plus rien à faire sur le plan matériel. Il y aura une coupure, il y aura une scission à votre corps matériel, votre corps éthérique, vous sortirez, vous allez sur un autre plan. Ensuite, vous reviendrez ici, vous allez continuer votre travail. Pour vivre. Il y en a qui ne reviendront même pas ici. On reste au bord. Mais pour nous autres, de comprendre que la paix, ce n'est pas psychologique, c'est très, très important. Parce que si tu vis d'une paix psychologique, ben c'est évident. Il y a un qui va te mettre un bâton dans les roues, Charlie, puis ta paix, elle vient de s'envoler. Mais quand ta paix est vibratoire, que tu n'es plus affectable mentalement, émotivement, à ce moment-là, qu'il fasse n'importe quoi, tu ne vibres plus psychologiquement. Fait que tu ne souffres plus. Qu'il se passe n'importe quoi. Ça ne change rien. C'est ça, de la paix. Nos notions de paix qu'on a, nous autres, ce sont des notions psychologiques. C'est pour ça que je dis, quand tu es conscient, tu ne peux pas être heureux. Mais tu sais ce que je dis. Tu peux être bien dans ta peau, mais tu ne peux pas être heureux quand tu es conscient. Parce que l'expérience matérielle, qu'elle soit bien, bien remplie astralement, parce que c'est à travers nos sens qu'on vit notre vie matérielle, c'est jamais assez. Tu te bâtis une maison, tu regardes des magazines, tu envoies une plus belle. Tu t'achètes une pellicier, tu envoies une autre le lendemain. Tu t'avais un char 2 ans après, ça donne une bagnole. Comment tu vas être heureux? Parce que les formes ne sont pas stabilisées sur le plan matériel. Les formes sont constamment en progression. C'est dans les terres que les formes sont stabilisées, que les formes sont parfaites. À ce moment-là, tu fais quelque chose, mais ça se maintient. 2 ans, 5 ans, 100 ans, 200 ans, 3000 ans, ça se maintient. Là, tu peux être réellement heureux. C'est ça le paradis terrestre. Si on créerait des formes, nous autres, sur la terre, qui étaient parfaites, ce qui viendra au cours de la 7e race, parce qu'on projettera nos pensées dans la matière. À ce moment-là, on pourrait être heureux sur la terre. Mais tu sais, à ce temps-là, l'homme ne peut pas être heureux sur la terre. Il peut être heureux dans les terres, sur la terre, mais il fait son mieux. Il peut être bien dans sa peau. C'est ça, la paix. Mais il y a un point où la terre, l'expérience terrestre, c'est plus assez. C'est trop petit à la terre. Fait que plus vous allez être en paix dans votre vie, mais plus vous allez vous rapprocher de l'éthérique. C'est pour ça que c'est important pour les gens de commencer à comprendre et à vivre qu'est-ce que c'est, ça, cette affaire-là, la paix. Qu'est-ce que c'est, ce cheval-là? Puis de réaliser que ce n'est pas psychologique, la paix. C'est un état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, un état d'esprit? Ça veut dire que vous êtes dans une conscience, autrement dit, dans une perception vibratoire qui convient à une échelle de votre évolution que vous ne percevez pas encore parfaitement. C'est une présence en vous. Une présence. Mais vous ne la comprenez pas, cette présence-là. Vous ne pouvez pas en connaître les limites de cette présence-là. Vous ne savez pas où elle se situe, cette présence-là. Puis la seule façon pour vous de réaliser cette présence-là, bien, c'est en la parlant, cette présence-là. Vous la parlez, cette présence-là. Fait que vous avez présence dans votre esprit d'une intelligence qui fait partie de vous. Mais vous n'êtes pas encore capable de la vivre, de la réaliser pleinement comme vous vivez ou vous vous réalisez sur le plan matériel. C'est comme un autre monde. Vous êtes pris entre l'invisible et la matière. Puis ça crée une tension, être pris entre l'invisible et la matière. Puis éventuellement, c'est fâchant d'être pris entre l'invisible et la matière. Puis plus tu es en paix, plus c'est fâchant d'être pris entre l'invisible et la matière. Parce que plus tu es en paix, bien, plus tu vas avoir accès à l'invisible. Puis tant que tu n'es pas assez en paix, mais tu n'es pas capable d'avoir accès à l'invisible, et ainsi de suite. C'est pour ça, de temps en temps, bon, ils vous font participer à une certaine phénoménie, bon, mange-t-on de la marde. Il faut participer à quelque chose qui est intéressant. Il faut vivre une expérience dans votre vie qui est différente, qui est particulière. Il faut vivre un phénomène particulier qu'on appelle un phénomène extrasensoriel. Puis là, vous êtes tout bouillant, là, vous êtes tout curieux. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai 20 hommes qui ont passé dans ma cuisine, là. Là, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, là. Là, ça vous coule pendant quelque temps, mais ça vous crée une tension. Parce que là, vous avez vu quelque chose que vous n'êtes pas capable de comprendre parfaitement, avec lequel vous n'êtes pas capable de vous identifier parfaitement. Fait qu'il y a une dimension de votre esprit qui est trop subtile pour votre esprit inférieur, pour vos sens. Fait que ça vous crée une autre tension. Mais ça vous amène à rechercher une autre dimensionnalité de votre expérience. Ça vous force à rentrer dans une autre sorte de pape, ainsi de suite. Puis ça dure pendant des années, puis des années, puis des années. Éventuellement, vous connaissez ce que vous devez connaître. Mais l'affaire du problème, c'est essentiel pour l'homme qui se conscientise. Parce que le problème, aussitôt que vous avez un problème, vous perdez de l'énergie. Les gens disent, comment ça se fait que moi, je suis pas capable d'être créatif? Comment ça se fait que j'ai pas d'intérêt vital? Comment ça se fait que je sais pas ce que je veux faire dans la vie? Je comprends que tu peux pas savoir ce que tu veux faire dans la vie parce que toute ton énergie est dirigée à faire quelque chose qui est autre. Est occupé ton énergie à faire quelque chose qui est autre. Moi, je suis un homme extrêmement créatif, je suis même pas capable d'écrire si moindrement j'ai une tension. Moi, j'ai pas de problème, mais je peux avoir des tensions. Si j'ai une tension, ça me coupe le sifflet net. Je suis obligé d'attendre de plus avoir de tension pour commencer à écrire. C'est un problème d'énergie. C'est pas un problème de désir. T'écris pas quand tu veux, puis tu parles pas quand tu veux. Tu parles quand tu peux, puis t'écris quand tu peux, puis t'es créatif quand tu peux. Alors, qu'est-ce que c'est la tension? Une tension, c'est l'équivalent vibratoire d'un problème. Mais la plupart des gens sont pas conscients du phénomène de la tension. Ils sont simplement conscients du phénomène du problème, parce que la plupart des gens fonctionnent sur le plan psychologique. Mais quand il y a une tension sur le plan psychique, ça te coupe net. Il n'y a rien à faire. Mais pour en arriver à sentir ces tensions-là, puis les vivre, ces tensions-là, puis les dépasser, ces tensions-là, pour renforcer le psychisme, il faut qu'on commence à développer, à sortir de notre psychologique, de notre bon sens, qui nous lie à nos problèmes et qui nous empêche d'éliminer complètement nos problèmes de nos vies. Moi, je vous l'assure que vous devez un jour ne plus avoir de problème dans votre vie. Je vous l'assure. C'est même une mesure de l'homme conscient, plus avoir de problème. C'est une mesure des gens qui entreront et qui se conscientiseront vers l'éther, ne pas avoir de problème. Tu peux pas avoir de problème quand tu te conscientises. Je pourrais même dire que les hommes qui auront des problèmes demain ne pourront pas rentrer dans l'éthérique. Parce qu'ils n'auront pas assez de paix. Il faut avoir de la paix pour rentrer dans l'éthérique. Fait que l'affaire des problèmes, ça va bien plus loin qu'on s'imagine. Nous autres, on pense que les problèmes, ça fait partie de la vie. Quand les gens me disent que ça fait partie de la vie, les problèmes, ça fait partie peut-être de la tienne, mais pas de la mienne. C'est comme la bonne femme au restaurant à Boston, un restaurant, qui me dit, une bonne petite vieille, était assise à côté de moi, elle prenait son café, puis elle t'apprend la théorie de Darwin sur l'évolution. Puis elle dit, les hommes viennent du singe. Je lui dis, peut-être toi, mais pas moi. Les problèmes, ça fait partie de la vie. Puis on y croit. Fait comme on y croit, mais on essaie de les résoudre avec du bon sens au lieu de les tuer avec la volonté de l'intelligence réelle. Ce qui est malheureux chez l'homme, c'est qu'il n'a pas d'idée précise de sa relation avec la vie. On dirait que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est de la vie. Ils vivent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de la vie, les gens. On dirait que pour eux autres, la vie, là, c'est comme un passage. Ben, faut que la vie un jour devienne plus qu'un passage, parce que si la vie continue pour vous autres à être un passage, vous allez être pris dans le passage. La vie, c'est un passage. Puis on se fait dire ça à la messe, puis dans la synagogue, la vie, c'est un passage. Ouais, c'est un passage, la vie. C'est pas un passage. Puis on se fait bourrer le crâne de toutes sortes de façons comme ça. Puis on y croit. Fait qu'aussitôt qu'on a un problème, ça fait partie de la vie. On s'ajuste au problème. Il y a des gens qui sont mariés ensemble depuis 40 ans qui se regardent pas. La bonne femme et la bonne âme sont dans la même maison, puis jamais ils se parlent. Jamais ils se parlent. 40 ans dans la même maison, jamais se parler. Ça, vous voyez ça chez Archambault. Archambault. En prison. Mais dans ta maison, des vrais chiens et des vrais chats. Ça fait partie de la vie. L'Église te unit jusqu'à la mort. Puis toi, tu te fais chier pour l'éternité. Ils disent qu'il est temps que les hommes développent des nouvelles bretelles, tenez le culotte. Il y en a qui ont tellement de mal dans le pantalon que ça traîne à terre. Ils appellent ça de la vie. Ils me parlent de même dans ma tête. Moi, je suis habitué, ça ne me dérange plus. Vincent, j'aime ça quand tu parles comme ça, je trouve ça cute. C'est différent. C'est moins théologique. Je vais parler du couple un peu, des problèmes dans le couple. Il y a des couples qui vivent des problèmes. Tu peux pas vivre de problèmes d'un couple. Si tu vis des problèmes d'un couple, éventuellement, il faut que tu te réavises de ton couple. Faut que tu t'assoies avec ton partenaire. Il faut que tu regardes avec ton partenaire où t'en es rendu, qu'est-ce qui se passe. Mais il se produit un phénomène, c'est qu'on dirait que qu'un couple ou deux partenaires dans un couple sont pas capables de se parler et de mettre non pas leur jeu sur la table. C'est bien subtil l'affaire d'un couple. C'est un gars pour une fille qui ont des problèmes d'un couple, puis là, le gars, il va donner sa version des choses, puis la fille, elle va donner sa version de la chose. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que dans un couple, les deux ont raison. Puis je vous le dis, dans un couple, les deux ont raison. Moi, il y a des gens qui viennent me voir, la bonne femme, elle vient, elle me conte son histoire, le gars, il vient, il me conte son histoire, puis je vois l'histoire des deux, puis dans ce qu'elle dit, la bonne femme, il y a quelque chose. Puis dans ce qu'il dit, le bonhomme, il y a quelque chose. Mais ils ne sont pas capables de faire la synthèse. On dirait que ça prend une troisième personne pour faire la synthèse. Puis c'est là que ça m'inquiète, les couples. Je parle des couples de demain. Parce que autant l'individu doit transmuter sur la terre, autant les deux individus doivent transmuter dans un couple. Autant le couple doit être transmuté. Pourquoi est-ce que les couples, à un certain moment, quand les gens se conscientisent, pas dans tous les couples, mais dans certains couples, pourquoi est-ce qu'éventuellement il vient qu'il y a comme une limite de vie dans le couple? Parce que t'en as une personne qui se conscientise, t'as l'autre personne qui se conscientise, fait que là, t'as deux piles là qui sont survoltées. Les deux piles sont survoltées, puis il n'y a plus de fil entre les deux pour faire passer le courant. Fait que les deux batteries se séparent. Ou ça guerre. faut qu'il y ait un fil dans le couple. Quand vous êtes survolté, quand t'es pas survolté, quand t'es inconscient, mais ça marche pas avec toute ta femme, tu demeures pendant 40 ans parce que t'as des structures pour tenir ensemble, comme nos parents l'avaient, il y a 25, 30, 40 ans. Ma mère, elle sera jamais départie de mon père, parce que le prêtre dit, c'est jusqu'à la mort, Charlie, puis c'est final. C'est écrit sur le papier, là, regarde ça. Bon. Mais rendu aujourd'hui qu'on a évolué, c'est plus de même. Faut que les couples, éventuellement, se situent vis-à-vis eux-mêmes. Mais on dirait qu'il manque dans le couple une troisième personne. Puis je ne veux pas dire une personne physique. Je veux dire qu'il manque dans le couple une troisième intelligence qui peut faire la synthèse des deux. Puis on dirait que les couples ne sont pas capables de faire ça. Moi, je ne peux pas passer parmi vous autres et tout régler vos problèmes de couple. Il y en a probablement un jour qui pourront vous aider. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à évoluer, des gars comme Ménard, des gars comme Chiasson, qui un jour pourront peut-être vous aider quand eux autres seront arrivés à un certain point d'évolution suffisamment raffiné pour pouvoir voir directement puis instantanément ce qui se passe dans les couples de demain. Puis il y en aura d'autres, de gens qui pourront voir la mécanique du couple, qui pourront interpréter l'aspect de l'un puis l'aspect de l'autre pour faire la fusion entre les deux. Mais ce problème-là, c'est pas qui m'inquiète. Mais ce problème-là, je le vois comme étant un problème extrêmement formidable demain, parce que le couple demain doit être transmuté. Il doit être transmuté, le couple. Mais prenons le couple qui doit vivre ensemble et qui doit transmuter ensemble. Les éléments dans ce couple-là doivent un jour s'assagir. Ils disent, eux autres, que chaque partie du couple doit s'assagir. Ça veut dire que chaque partie du couple doit réaliser quand il est en conversion avec l'autre, il doit voir ce que l'autre veut dire. Il doit voir ce que l'autre veut dire. On n'est pas habitué à voir ce que l'autre veut dire. On est habitué à dire ce qu'on veut dire. C'est pas assez, ça, pour unir un couple dans l'esprit. Faut que tu vois ce que l'autre veut dire. Puis il y a une séparation psychologique entre les hommes et les femmes. Une séparation qui fait partie de la nature même de l'homme et de la femme. L'homme n'est pas capable de voir que la femme elle a besoin de porter une rose ici l'après-midi. Ça la relaxe. Il n'est pas capable, le gars, de voir ça. Oui, oh, non, deux roses, oh, oh, oh, oh, oh. Le gros gars, tu sais. Construction. La grosse B. Monson, Chris. Qu'est-ce que tu fais avec la rose, la bonne femme, l'après-midi, sur sa robe? Il n'est pas capable. Le gars, il n'est pas capable de rentrer dans l'esprit de la femme et de voir l'esprit de la femme à travers la forme psychologique de son expression. Si la femme était un petit peu plus consciente, puis plus mentale, plus chien, elle dit « Calice, je n'ai pas besoin d'une rose, Chris, puis tu vas m'en payer une rose, calice! » Tu sais, je vous donne un exemple. Là, le gars, il dirait « Wow, sacrement, je suis mieux d'y en acheter une. » Là, il en achètera une, là, puis il verra que les jours après, chaque fois qu'elle s'arrose, elle est bien. Il dirait, ben oui, enfant de chienne, ça arrose. Mais il faut là que la bonne femme, elle rentre dans le mur pour avoir sa crise de rose. Puis on est de même. Je vous donne des exemples stupides, parce que plus on prend des exemples stupides, plus on devient intelligent. Puis la bonne femme, c'est la même chose. Elle n'est pas capable de réaliser que le gars, il est obligé de faire d'overtime au bureau. Il est obligé, sans ça, il perd sa crise de job. C'est pas le temps, ils ont le mortgage à payer encore. Fait que l'homme n'est pas capable de rentrer dans l'esprit de la femme, puis la femme n'est pas capable de rentrer dans l'esprit de l'homme. Fait que quand un n'est pas capable de rentrer dans l'esprit de l'autre, éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Il se sépare. Fait que s'il ne rentre pas un dans l'autre psychiquement, bien, il ne rentre pas un dans l'autre physiquement. Autrement dit, il y a séparation sur tous les plans. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de sentiment. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus rien. Le couple meurt. Puis pas parce qu'il ne pouvait pas être sauvé, ce couple-là. Mais parce que l'homme n'a pas compris que la femme ne peut plus être dominée dans la nouvelle évolution. La femme ne peut plus être dominée dans la nouvelle évolution. Puis les hommes, vous allez comprendre ça un jour, à vos dépens, que vos femmes ne peuvent pas, dans la nouvelle évolution, être dominées. Ils vont vous faire sauter. Chris. Fait que si vous voulez que votre femme évolue pas, arrangez-vous pour qu'elle vienne pas à mes conférences. C'est inévitable. Gardez-la à la maison avec ses carottes. Parce que si la femme évolue, c'est inévitable. Vous ne pouvez pas éventuellement dominer votre femme comme votre femme ne peut pas vous dominer. Dans un couple, les deux êtres doivent être totalement autonomes, créatifs et se supporter mutuellement pour un but, d'avoir la paix ensemble. Ça, c'est une loi fixe de l'évolution. Ceux qui ne comprendront pas ça, ils vont se séparer, c'est automatique. Il n'y a pas de choix. On n'est plus au stage du marriage encounter, là. Du marriage counter. Trouve-moi une femme, trouve-moi un mari, tu sais. Computer, là. Ben, je suis plus de même. Vous avez des femmes depuis des années de temps qui vous ont donné des enfants. Vous avez des maris qui vous ont supporté pendant des années de temps. Il y a une dépense d'énergie, il y a eu de l'amour quelque part. Si ça s'est effrité, l'amour, c'est parce qu'à un certain moment, un a été incapable de voir et de comprendre l'autre. Et ça, c'est ce point-là que je veux faire. Je veux pas dire que le mari, c'est pas un cadeau, puis que la femme est peut-être pas un cadeau. C'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que souvent, le mari est pas un cadeau, puis la femme est pas un cadeau, parce que l'autre ne voit pas ce qu'il a de besoin. Et dans un couple, une femme a besoin de quelque chose, puis un homme a besoin de quelque chose. L'homme a besoin de temps en temps de prendre un break, puis aller prendre une bière, aller jouer au golf. Il a besoin de ça, le gars. La femme, elle veut à la maison, puis elle veut à la maison, puis elle veut à la maison. Parce que les femmes, c'est des rosiers grimpants, ils t'étouffent, Charlie. Pas toute la gang, mais il y en a qui t'étouffent. Des vrais vampires. Tu vois, le gars, il y a deux marques ici. Puis le gars, lui, c'est l'opposé. La femme est à la maison. C'est comme un contrat. T'sais, c'est comme un bon. T'sais, tu mets 500$ à la banque. Le 500$, il te rapporte à tous les ans. Fait que dans le couple, l'homme et la femme font des erreurs majeures. Et l'erreur fondamentale qu'ils font, c'est que dans le couple, les unités ne sont pas capables de recomposer constamment la vue de l'autre. Faut qu'un homme recompose constamment. Ma femme, elle me dit, moi, un jour, elle dit, moi, là, parce que moi, je me lève le matin, faut que je mange, faut que je me mette quelque chose dans l'estomac, sans ça, je fume des cigarettes. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, faut que je mange le matin. Elle dit, j'ai pas les vibrations pour te me lever puis te faire déjeuner. Sais-tu que ma situation, ma situation, c'est une situation de divorce. Je fais pas des farces. Hey, elle n'a pas les vibrations le matin de me faire mon déjeuner. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle veut dire, ma femme? Elle veut dire, ma femme, que moi, là, j'ai pas les vibrations pour te faire de déjeuner. Il n'y a pas de pattern psychologique dans son esprit qui est obligé de me faire de déjeuner. Ma femme n'est pas obligée de me faire de déjeuner si elle n'a pas les vibrations. Mais j'ai dit, arrange-toi pour qu'il y ait un déjeuner sur ma table. Fait qu'elle me fait venir une bonne femme qui, tous les matins, me fait mon déjeuner. Je suis content. Puis elle, en même temps, ben, elle s'en va dans son affaire et elle fait ses affaires. C'est ça de l'intelligence. Mais si j'avais dit, ouais, t'es ma femme, je t'ai pas marié pour rien, fais-moi mon déjeuner, puis rendu, elle a dit, veux-tu manger de la marde? Je t'en fais pas de crise de déjeuner, j'ai pas les vibrations, c'est l'inspiration. C'est ça qui se passe dans la vie, tu mens. On se parle pas de même, mais je vous explique. Mais les gars pensent que la femme, faut qu'elle ait la vibration, puis elle l'a pas. Puis la bonne femme, elle pense, faut que le gars ait la vibration, puis il l'a pas. C'est important, le couple, pas le couple qu'on connaît, pas le couple de la cinquième race, je parle du couple transmuté. Faut que le couple transmute, si les individus transmutent, c'est évident que le couple va transmuter, puis... Vous allez rentrer dans cette phase-là. Votre couple, un jour, il faut qu'il transmette. Votre femme, un jour, elle va devenir une corde de violon. Puis là, vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence entre la femme et l'homme d'un couple. Le corps est différent, heureusement, mais l'esprit est pareil. L'esprit est pareil. Ça n'a pas de sexe, ça, de l'esprit. Fait que si elle est dans son esprit, ben, elle dit, j'ai pas les vibrations, Jean-Paul, pour faire ça. C'est mieux d'écouter pour voir ce que c'est qu'elle veut dire. Puis pas être pogné dans ta psychologie mâle ou pogné dans ta psychologie femelle, puis essayer de maintenir le statu quo. On peut pas maintenir le statu quo d'un coup. Ça a été maintenu par des formes de l'ancienneté, mais dans la nouvelle évolution, il n'y en a plus de statu quo. Le mariage va exister, l'union va exister, mais il va y avoir de l'oxygène entre les deux. Là, il n'y en a plus d'oxygène, c'est du carbone monoxyde. Ils s'empoisonnent tous les deux, petit à petit. Mais il arrive une chose, c'est que dans le passé, les hommes avaient le haut du pavé à cause de toutes sortes de conditions. Dans l'avenir, les hommes n'auront pas le haut du pavé. Tous les deux vont être sur le même pavé. Alors, la femme étant différente de l'homme, faut que l'homme voie, je parle plutôt de la femme, parce que c'est la femme qui a été la plus abrutie dans la condition humaine. Faut que l'homme voie ce que la femme a de besoin. Nous autres, ça semble niaiseux quand notre femme a dit, puis à part ça, ça sort de notre poche, c'est nous autres qui travaillons. Ça semble niaiseux quand la femme a dit, ah, mais là, je vais aller me faire arranger les cheveux. Ça va faire arranger les cheveux. Hop. Mais faut qu'elle se fasse arranger les cheveux, c'est bon pour son moral. Une femme, elle se lève le moral en étant belle. Une femme qui est pas belle puis qui se laisse aller, son moral tombe. Une femme qui est dans la dépression, son moral tombe. Une femme qui est haute en vibration, qui a de l'énergie, son moral monte. Elle veut être belle. Ça fait partie de la conscience de la femme de s'enjoliver puis de s'enjoliver puis de s'enjoliver selon son budget, ainsi de suite. Whatever. Tandis que l'homme, lui, il se met une cravate puis une chemise puis des bas puis c'est final. Mais l'homme n'est pas capable de voir ça. Les cutex, lui, ça le fatigue. T'sais. Combien est-ce qu'il y en a de gars qui sont capables d'aller avec leur femme dans les magasins pour acheter des bas de nylon et des culottes? N'est pas gros. C'est au-dessus de la situation. S'il faudrait que les gars à la job sachent, ou qu'il y en a un qui me rencontre chez Eaton dans le département des brossières, je te dis que j'arrête la FA en Christ. Le gars, il est 6 pieds, comprends-tu? Mais ça, c'est parce que pas l'homme puis la femme sont pas dans leur esprit. Votre femme, elle y va bien avec vous autres quand vous allez vous acheter du linge. C'est la même chose avec vous autres. Autrement dit, la vie est essentiellement unique dans un couple. Elle est unique dans ce sens que dans un couple, la vie ne peut pas se répartir en 2 divisions. C'est unique, c'est un. Fait qu'un couple qui est conscientisé, qui est transmuté, la femme s'intéresse à son mari, l'homme s'intéresse à sa femme, et toute la dimensionnalité de l'expérience est manifestée par l'esprit à travers des égos conscients. Et c'est ça que le nouveau couple, le couple du 21e siècle devra comprendre, le couple conscientisé devra comprendre. Moi, je vous assure que dans une vie de couple, où il y a un esprit qui traverse 2 égos d'une façon parallèle ou proportionnelle ou égale, la compagne la mieux, la plus favorable à un ou à l'autre, c'est l'homme ou la femme. Mais c'est l'harmonie de l'esprit qui permet ça. Si vous n'avez pas ça, mais vous allez vivre des problèmes de couple. Puis dans les problèmes de couple, il faut que ça craque un jour. Il faut que ça craque. Faut qu'il y ait un mouvement de l'esprit dans l'homme. S'il n'y a pas de mouvement de l'esprit dans l'homme, je comprends que dans l'expérience psychologique de l'homme, jusqu'à temps que l'homme ait atteint un certain niveau de psychisme ou d'intelligence vibratoire, c'est difficile parce que l'homme déjà ne se connaît pas lui-même. Fait que si l'homme ne se connaît pas lui-même parfaitement, puis la femme ne se connaît pas parfaitement elle-même, c'est plus difficile de faire cette unité-là, cette union-là, de l'un passer et regarder ce que l'autre veut dire, ainsi de suite. C'est difficile. Mais je vous dis que c'est important. C'est important. C'est bien important. Et je conçois qu'un jour, moi, je ne vais pas toujours être avec vous autres, je conçois qu'un jour, ce sera nécessaire qu'il y ait des gens qui puissent expliquer à des couples qui vont vers la transmutation le mécanisme de la relation psychologique et psychique entre les deux. Ce sera essentiel, essentiel, à tous les niveaux de l'expérience. Que ce soit sur le plan psychologique, ou que ce soit sur le plan sexuel, ou que ce soit sur un plan...